J'ai aucune idée de ce que je fous là. On me dit souvent sois discret, fais pas le fou. Si j'ai commencé le rap, c'est parce que simplement j'aimais pas le foot. Toujours le fond, la forme, sans vodka, s'en est dans la poudre. Le disque d'or, c'est mort, pas de raison de me voir sauter dans la foule. J'ai pas écrit l'album, pourtant j'ai que des putains de prod. J'ai pas trouvé l'inspi juste pour la trouver, putain de drogue. Baisser la tête, l'amour est mort, pour ça que les sur un scène. J'cours plus après les femmes, j'cours après 4-5-0 sur un chèque. J'te parlerai pas de police, de deal de shit ou de casse du siècle. Oui, la confiance se perd, y'a 2-3 balances dans les cartes, tu check. Tu veux taper le million, joue au loto ou vendre la poudre. J'ai vu plus d'un lascar passer des feux de poubelle au feu de l'amour. J'perds plus mon temps à faire du rap parce que tout le monde s'en tape. Si tu vis pas du rap, j'comprends pas comment tu peux vivre sans taf. La confiance peut me buter, j'laisse les amis loin de moi. J'esquive les faux lascars, les grosses pétasses et les amis Winehouse. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Encore un 16 de plus, je te balance 2-3 rimes à chaque phrase. Pour chaque fan, pas pour toutes ces grosses crasseuses qu'on lâche à fâche. La vie c'est speed, on aspire au crédit à taux fixe. J'ai les pieds sur le ciment, pas sur le sable d'une plage de Deauville. Quand ça va pas, un verre de Thierry Coquet, ça reparle, ça le parle. Des fois j'ai l'impression de traîner à South Park. Sûr de moi, comme si j'avais déjà une grosse carrière. Au rythme où vont les choses, tu me verras jamais rouler en Cayenne. C'est pas avec cette rime que le buzz, je vais le grossir à mort. On vend pas la peau de l'ours, encore moins celle d'un vélociraptor. La rue t'a eu si tous tes rêves tiennent dans un bout de shit. Tu peux toucher les étoiles, mais je suis comme un avion en bout de piste. Personne n'écoute mes sons, je fais pas l'apologie de la violence. Je roule en DeLorean avec Apollo Creed au volant. Fais ton truc avant que la vie t'assomme. Fuck la street, j'aurais kiffé avoir la vie à Dawson. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.